بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يلخص الموضع الرابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها شيخ الإسلام؟ تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، أبو طالب مات على قصة أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا؟ مات على الكفر، لا يكفر بدين المشركين. نعم، مات على الكفر لأنه ما كفر بالطاغوت، ما كفر بدين المشركين، عبادة الأوثان. نعم، زيد أبو بكر. الشيخ محمد عبد الوهاب بيّن هذا لأن بعض المشركين عندهم شبهات على هذا، يقولون كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقنا وهو سعد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أن بعض الناس لا يفهمون هذه المسألة، يقولون كيف هذا الرجل أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصره، أيده بالمال، وكم بل حصل له أذى، il a eu des problèmes بسبب هذا. il a défendu le prophète صلى الله عليه وسلم، il savait que le prophète صلى الله عليه وسلم était à la حق، malgré tout ça il est في النار. فالآن أنت tu vas tirer une leçon عظيمه de cette histoire et de cette partie de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est quoi ce point que tu vas retirer? Il a écrit نعم، لا يكفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، ça suffit pas si ماذا؟ أحسنت، لابد من الكفر بالطاغوت، لابد من عبادة الله وحده، ولابد من ترك الشرك، ولابد من تكفير الكافرين، تكفير المشركين، لابد هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا الدليل. تفضل. أحسن، ça suffit pas à prétendre je l'aime je كذا، لا، لابد الاتباع. ومن الاتباع، c'est quoi qui nous intéresse الاتباع في هذا الموضع؟ نعم، ومن الاتباع عليكم السلام أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر بالطاغوت وتكفر المشركين وتبغضهم في الله، هذا من الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون. براء أجمد ديزافو، الديزافو لابد إلي باسي سيغ تدتس لشوز. إني براء مما تعبدون. وفي الآية: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إبراهيم لا ديسا سون بير يا سون بوب، entre moi et vous العداوة والبغضاء. العداوة سي تو برون كوم انمي، والبغضاء البغض لا ان تو لو ديتست في الله عز وجل. جوسكا كو حتى تؤمنوا بالله وحده، سا تمونتر ان العداوة والبغضاء الي في الله، الي في الله. فكثير من كثير من الايات والاحاديث في هذه المساله اون ليزا في نحن دون لي زوت ليفر اون ديتاي. فلابد من إقامة التوحيد والبراءة من الشرك ومن المشركين، فتسادين الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تأمل la définition de l'islam، elle est مهمة. l'islam c'est pas ce que tu penses أنت أو ce qui prétend فلان. من باب أولى أن الإسلام c'est pas le kafir qui t'apprendra c'est quoi l'islam. لأن الكفار الآن يبغون يشرحوا للمسلمين الإسلام، un islam de France, un islam de Kada, un islam de Kada. Il veut t'expliquer l'islam. Fattaqillah ayyuhal muslim. Comment tu vas apprendre ton din? Comment tu vas apprendre l'islam al-haq d'une personne qui déteste l'islam? D'une personne qui combat l'islam? Bien, al-kafir al-an, si on lui définit l'islam al-haq, il n'acceptera pas. Il va dire, haoula, c'est des Kada, c'est des Kada. Fa'anta prend, comprend l'islam min al-kitab min al-sunnah. Comprend l'islam min a'da illa. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أولا تتسمي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد أي تضغ الله سل سأسي أولا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة التوبية الله سبحانه وتعالى التوبية وبخفة عليه الصلاة والسلام والبراءة من الشرك تدزعبوج الشرك تدتس الشرك لأنه لا تدوى دوت سر دين الإسلام ستدك اليهود والنصر يسوع على حق تان دوت سر الإسلام تكون با الإسلام Al-bara'atu min al-shirk wa ahlih. Ça ne suffit pas de détester le shirk. Kadhalik ahl al-shirk. Tu le détestes fil Allah. Ah, c'est ça l'islam. Le quatrième point, il est fil wala wal bara. Fa Abu Talib, il n'a pas pu se désavouer de dire al-mushrikin, ce n'est pas musulman. Il ne rentre pas dans la définition de l'islam. Al-istislam la bitawhid wa al-qiyad la bita'a wa al-bara'atu min al-shirk wa ahlih. Il n'a pas pu, huwa. Bel, il a dit, je reste à la millat Abd al-Muttalib. La religion de ses ancêtres, mais ce n'est pas musulman. Alléhad, le prophète sallam, il a informé Annahu, il est finnar. Ce quatrième point, il est muhim pour comprendre l'islam. L'histoire d'Abu Talib, qui c'était dans la biographie Ayyuhal Muslim, si tu médites bien, et tu lis l'explication des savants, tu vas comprendre c'est quoi l'islam, al-haq. Et aujourd'hui, on passe au cinquième point, incha'Allah ta'ala. Qala al-imam, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, al-mawdi' al-khamis, أي الخامس point الآن كي va nous citer de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام قال قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها il sait رحمه الله la valeur et l'importance de l'hijra il sait que la hijra c'est ça qui va t'aider à préserver ton din il sait أن مخالطة المشركين c'est pas بالأمر الهين قال وفيها من الفوائد والعبر Fawaïd, c'est des leçons que tu tires. Wa ibar, kadhalik. Qu'est-ce que tu tires de cette qissa? Liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Celui qui médite, qui a un cœur, qui veut le haq, il y a des ibar. Fil hijra. Al hijra, c'est pas une histoire qu'on lit hakada. Wallahi, ba'd an-nas, ils ont retenu de l'hijra. Il lit l'hijra. Et lui, il a besoin. Peut-être qu'il vit dans une terre de kufr. Peut-être que le mushrikoun, il ne le laisse pas appliquer son din. Il retient l'hijra. L'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la caverne et l'araignée elle a fait une toile. C'est ce qu'il a retenu. Tout ça c'est daïf, c'est maudou. L'histoire de l'araignée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est dans la grotte avec Abu Bakr. Ils ont retenu quoi, Ba'd al-Nas ? C'est un miracle. L'araignée elle a fait sa toile et le mushrik il est venu devant la grotte, devant la caverne hadi, et il a vu la toile. Les mushrikoun ils ont dit c'est impossible qu'il y ait quelqu'un dedans. Il y aurait quelqu'un dedans, il n'y aurait pas de toile d'araignée. Anta réfléchis plutôt pourquoi les mouchrikoun ils ont chassé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma la personne il reste bloqué sur ces histoires d'aïf. Pourquoi? Comme on vous a expliqué au début, la gravité et le danger de lire des choses avec ignorance et tu sais pas. L'essentiel c'est pourquoi il a fait le hijra. C'est quoi qui l'a poussé à faire le hijra? Et qu'est-ce qu'elle a changé à la hijra dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça l'essentiel. قال وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه اكثر من قراها صحيح اكثر la plupart des gens qui lisent ils savent pas pourquoi ils savent pas c'est quoi al hijra يعني بعضهم il est concerné il lit il croit que ça a rien à voir avec lui il a lu l'histoire le prophète sallam il est parti à Médine pourquoi comment il a akhiri il sait pas trop ya akhi al-shira on a dit c'est pas un livre d'histoire c'est pas une bande dessinée abadan c'est pas pour tuer le temps sallallahu alayhi wa sallam Tu lis, tu dois avoir des fawa'id et des ibar. Tu dois tirer des leçons. C'est ton prophète, alayhi salam, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de le suivre. Le prophète, alayhi salam, il n'a pas pu pratiquer son din à Mecca. Ils l'ont combattu, comme à ta'alamoun, il a akhri. Ils ont combattu ses compagnons. Donc, le prophète, alayhi salam, comme ça y est, ma'ana, on a une tribu, min al-Madina, qu'on va appeler plus tard l'Ansar, Ha'oula, ils ont proposé à Nabi alayhi salam de l'héberger. Il ne peut pas faire son din à Mecca, ils ont proposé, viens chez nous, tu fais ton din. Et ils ont fait pacte d'allégeance de le suivre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va se déplacer. Pourquoi? il ne pouvait pas faire son dîn. Et il se déplace à Médine pour qu'il ait une facilité de faire son dîn et propager le da'wa. Antal an, ayyuhal muslim, c'était concerné. Si tu n'arrives pas à faire ton dîn dans un endroit. Al-kuffar, id harb, pas d'adam, pas de hijab, pas d'id, pas de kada, pas de kada. Al-an, anta, t'es concerné. Antal an, t'as pas un endroit, t'as des dizaines de pays où tu peux faire le hijra, wa illahi alhamd. Al-an, si tu dis sirah, ça doit te faire méditer, anta. Ils ne veulent pas me laisser faire mon dîn, ardullah wasi'a. Je me déplace, je préserve ma famille, je préserve mon dîn, je préserve ma foi, et j'avance. C'est ça le but. Il y a jama'a, c'est ça. Amma lire hakada comme ils font بعض الناس, fa sadaqa shaykh al-islam. La ya'rifa akthar man qara'aha. Et fi zamanina, c'est plus. Ça, c'est à l'époque sur l'islam, il y a 300 ans, taqriban. Amma l'an, fa akthar wa akthar. Bel al-an, بعض الناس, il lit sira et combat le hijra. Pourquoi vous partez? Tu peux faire, là-bas c'est pire. Il a akhiri. Il n'a pas compris ça. Le mouchkila, en fait, aujourd'hui, que les gens, ils lisent la sira, mais c'est comme si ce qu'ils lisent, ça ne les concerne pas. Et akhi, t'es concerné. Cheikh Fawzan, au début de la risala, il nous avait expliqué. On ne lit pas pour le baraka, faqat. Je lis, et bi'idnillah, j'aurai des hasanat. Ce n'est pas que pour ça. Là, Inch'Allah, tu lis, tu as des hasanat et tu lis et t'appliques. Il y en a, si tu n'appliques pas, c'est une hujja contre toi. C'est ça le but de la sira. Tu lis et t'appliques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas laissé. Il a fait le hijra. Toi, il ne te laisse pas, tu fais le hijra. Si tu veux préserver ton dîn. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, al-hijra fil lugha, ma'khouda min al-hajr, wa huwa al-tark. Qala ta'ala, wal-rujza fahjur. تقدمت معنا الآية والرجز أي الأصنام فهجر أي تركها فالهجر اسم الفد دلسي هجر المبتدعة مثلا ترك تلي دلس تبخش بادو فالهجر سبخيد اسمه الهجر والهجر اسم الفد دلسي انشل فالهجرة سبعيت الفد دلسي انتر دو كفر بو انتر دي اسلام قال أي والرجز فهجر أي تركه قال فالهجر هو الترك ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين يعني تركهم وعدم محبتهم فالهجرة سمياد الهجر لفد دلس كلك شوز مثلا هجر المعاصي أي دلس المعاصي دلس البشي وهكذا قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال في الحاشية أخرجه أبو داود والنسائي إلى آخره قال أي ترك ما نهى الله عنه قال أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لأجل الدين هذا ستعرف طيب الانتقال سدبلسي من بلاد الشرك تقدم معنا في الأصول الثلاث ضابط بلاد الشرك وضابط بلاد الإسلام قال إلى بلاد الإسلام لأجل الدين سسال الهجرة pour الدين أما pour une chose de الدنيا La personne n'est pas comptée muhajir fi sabilillah. قال عيسى السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. C'est ça la hijra الصحيحة لله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما celui qui se déplace pour quelque chose de dunya. بعض الناس مثلا comme le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a donné l'exemple, il se déplace pour dunya, un commerce. Bardom, il se déplace pour... il veut se marier. Ça, c'est pas un muhajir fisabilillah. Il s'est déplacé. Lakin, pas fisabilillah. Fisabilillah, tu dois te déplacer pour ton dîn. T'es dans une terre, t'arrives pas à appliquer ton dîn. Tu te déplaces dans une autre terre où tu pourras appliquer ton dîn, lillah. Azza wa jal. Hadi, hiya al-hijra. Qala, hadi, hiya al-hijra al-shar'iyya. Min bilad shirk ila bilad l'islam. Amma se déplacer d'un bilad de shirk à un autre bilad de shirk, c'est pas une hijra. قد يقول قائل الصحابة ils sont déplacés de Mecca إلى الحبشة مكة à l'époque c'était une أرض كفر إلى الحبشة النصارى c'était une أرض كفر فما الجواب أحسن لأن à l'époque il n'y a pas de بلاد مسلم ils vont faire l'hijra où ils sont sortis de Mecca il n'y a que des بلاد كفر ils vont aller où ملك الحبشة il leur a proposé أنا يعني vous faites ce que vous voulez vous faites votre deal et under les fruits ils sont déplacés Il y aura un pays musulman, ils n'auront jamais été dans ce pays, ils n'auront jamais délaissé un pays musulman. Al-An, on dort les fruits qu'il y a eu, ils se déplacent, radiyallahu anhum, Iman qawi, ils ont du ilm. Le gouverneur du pays où ils se déplacent, ça devient un musulman. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Bardana se mélange. Il dit, Anna, je vais dans un pays kafir, je peux faire mon din. Les Anna, les Sahaba, ils sont partis à la Habasha. Awwalan, les Sahaba, ils étaient à la ilm. Et le prophète, il leur a autorisé. Thaniyan, il n'y avait pas de pays musulman. Troisièmement, quand Al-Medina, c'est devenu Dar Islam. Est-ce que tu as entendu un sahabi, il est parti à la Habasha? Abadan. Ils sont tous revenus, ils sont partis à Al-Madina. Tous. Léan Al-Madina, c'est devenu Bilad Islam. Tous ceux qui faisaient l'hijra, c'est Al-Madina. Fait nous, l'homme, on doit faire l'hijra, c'est Bilad Muslimi. Qu'est-ce que tu laisses tous nos pays? Des pays, il y a des défauts. On ne dit pas que c'est parfait. Abadan. Là, il y a du khair. Ahsan min Fransa bi kathir. Celui, là, on parle de la capacité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il a akhiré, c'est une autre question. Wahhab, il peut pas, il a un problème, il peut pas aller dans aucun pays musulman. Ah, ça c'est autre chose. Mais nous, tout ce qu'on parle, c'est avec la capacité. Mais qui n'a la capacité, il délaisse les musulmans, il va vers les Yahoud, il va vers les Nasara. C'est mal à la vie. Là, là, ton dîn, tu dois le faire comme le prophète sallam il a fait. Et nous, au fil hijra, on va pas tout détailler. On avait fait avec les frères al-Usul Thalath et on avait fait un autre dars spécifique sur le hijra. Nous, on va pas tout détailler. On avait, alhamdoulilah, on avait expliqué les conditions, on avait expliqué le hukm, que c'est obligatoire pour celui qui a la capacité. On avait montré le mal, le danger de vivre au pays de Kuffar. On avait cité Kalam Tchir al-Albani, fa'a turaji'a tilka al-kalima. Et au sul talat, on avait détaillé. Amma nous, un, on explique ce qu'il dit Cheikh al-Fawzan, hafidahullah. Qala wa al-hijra fiha fadlun azim. Wa hiya adilatul iman. Wa al-jihad fi sabidillah. Naam. Et elle est souvent citée avec l'iman ou al-jihad. C'est que tu peux nous répondre l'imam, il va citer pour Allah Azzawajal alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Ahsant, كيف تستطيع tu fais le jihad et tu es au milieu d'eux. Mais celui qui ne fait pas le jihad, tu trouveras, il ne pourra pas faire le jihad. Abadan. Qala alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Fahada mimma yadul ala idham al-hijra. Ça te montre l'importance de l'hijra. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité avec l'iman et avec le jihad. Alladhina amanu la budi fou l'iman. Mais celui maintenant il veut faire l'hijra, il n'a pas d'iman, ça ne lui sert à rien. Ça ne lui sert à rien. Tassawwar, un kafir, il est dans un pays kafir, il dit Anna, je veux me déplacer dans un pays musulman. Ça ne lui sert à rien. Il vit dans un pays kafir, un pays musulman, il meurt sans iman, c'est un kafir, billah azza wa jal. Fait la budi l'iman, awwalan. Après, al-hijra, tu te déplaces. L'Anna chez les kuffars, ça prouve que chez les kuffars, tu ne pourras pas faire ton din. L'Anna, si chez les kuffars, tu pourrais faire ton din, la hijra n'aurait aucun sens. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire la hijra, elle a un sens azim. Même s'ils te laissent faire certaines choses, ils te combattront d'un autre côté. Wa laysa al-khabar kal mu'ayyana. Celui qui a vécu, il sait hada. Khassatan, si tu appliques ton din. Première chose, ta femme, le hijab. La première chose. Première chose, il harb hunak al-hijab. Ma'rouf. Et Allah a'lam qu'est-ce qu'il va harb prochainement. Allah a'lam. Lakin ils ne s'arrêteront pas. Wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Ça vous montre l'importance de l'hijra. Qala wa al-hijra baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Falladhi la yaqdir ala izhar dinihi fi bilad al-mushrikin yajib alayhi an yuhajir ila bilad yaqdir fi ala izharihi. C'est le hukm. Cheikh Fawzan an il cite le jugement. Awalan la hijra la jusqu'à qiyam as-sa'ah. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم على يجوز واحد يقول لا c'est à l'époque. لكن il peut citer un hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. Il n'y a pas de هجرة après le فتح. أي فتح مكة. فكيف qu'on répond؟ أحسنت لا هجرة من مكة بعد الفتح. أو il y a un autre تأويل الحديث لا هجرة أحسن. Il n'y a pas une meilleure هجرة que la hijra qu'ils ont fait les compagnons de Mecca et l'Al-Madina, c'est la meilleure hijra. Kalalik, parmi les explications du hadith, il n'y a pas de hijra. Après Fath Mecca, il n'y a pas de hijra de Mecca. Mais avant de dollar, il prend ce hadith, la hijra après le Fath. Il dit, khalas, il n'y a pas de hijra. Vous avez vu la gravité de celui qui prend qu'un hadith? Al-An, obligé, il va délaisser l'autre hadith. Mais maintenant, on prend les deux. La hijra jusqu'à la fin des temps. Et l'autre hadith, les savants nous l'expliquaient, la hijra بعد الفتح, il n'y a pas une hijra meilleure que celle des compagnons, ou il n'y aura pas de hijra de Mecca. Lianna Mecca, c'est un bilad de musulmans. Hada. Comme a dit le Fawzan, la faladi la yakdir ala idhar dini fi bilad de musulmans, yadib alayya yuhaja. C'est ça le dhabit, al-qudra. Fa celui, ou celle, qui vit dans un pays kafir, et il ne peut pas appliquer son din, il est obligé de se déplacer dans un pays musulman. Obligatoire. Sauf s'il n'a pas la capacité. S'il n'a pas la capacité, c'est une chose. Ah, mais la personne a la capacité, peut se déplacer. Il peut aller dans un autre pays. Hada, c'est wajib alayhi. C'est obligatoire. Si la délaisse, il est fi khatar. Son dîn, il est en danger. Qala, fa in lam yuhajir wa huwa yaqdir ala al-hijra, hada. S'il ne fait pas l'hijra, alors qu'il a la capacité. Qala, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala fihi al-Qur'an. Celui qui peut et il ne la fait pas, il est concerné par le verset qui va citer Cheikh al-Fawza, hafidahullah. Qala, Allah Azza wa Jalla, inna alladhina tawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim qalu. Qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, fa'ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ceux qui meurent, zalimi anfusihim, et ceux qui meurent fi bilad kufr, alors qu'ils pouvaient se déplacer, il est concerné par ce verset. La personne, il ne faut pas qu'il se fasse avoir par shaitan demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, dans... Ya akhi, ma tadri. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Hakada yaqul Allah Azza wa Jalla surat Luqman. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Si tu as la capacité, déplace-toi, ya akhi. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour ton din, c'est mieux pour ta famille. Amma, tu repousses. Ma tadri. Peut-être que tu as un projet, Matalan, je vais partir dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que tu vas mourir dans 1 semaine. Préserve ton dîme et sache que c'est Allah qui donne. Crois pas qu'en restant plus dans Bilal Kufr, tu auras plus d'argent. Ça, c'est une mauvaise aqidah. C'est une mauvaise aqidah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que tu te déplaces dans un pays musulman et Allah il te donne plus. Peut-être que tu restes dans un pays de kafir et Allah il te donne moins. Comme mes nekhois, on a connu, on a entendu, ils veulent faire l'hijra et l'akhiré, et ils restent dans Bilal Kufr et ils n'arrivent pas à avoir d'argent. Comme mes nekhois, on a entendu, ils se sont déplacés, alhamdoulilah. Il a une maison, il vit, masha'Allah. Un risque, c'est pas je vais dans ce pays ou dans ce pays, abadad. Un risque, tawakkal à Allah et fais les sababs. Et parmi les sababs, c'est que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. C'est ça le sabab. Celui qui craint Allah, Allah il lui donne une favorable et il lui donne sans que la personne s'attende d'où ça vient. Allah, on place notre confiance en Allah, on fait le sabab, on se déplace et après c'est Allah qui donne. Qala hafidahullah, hadha wa'idun shadidun ma'a annahum muslimun. C'est des musulmans. قد يقول قائل في à la fin du verset فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ça c'est من باب الوعيد. أما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. Tous ces versets, ces hadiths, dès que tu entends une ma'asiya et ça parle de jahannam, c'est من hadith الوعيد. Allah subhanahu wa ta'ala, il menace la personne avec un châtiment. S'il veut lui pardonner, s'il veut lui donner ce châtiment. Lakin si mort à la tawhid, c'est un musulman. Lakin nous on voit plus loin. On a la personne في بلاد الكفر. S'il ne fait pas l'hijra, ça reste un musulman. On ne dit pas que c'est un kafir, abadan. Lakin, on dit que ça peut être une cause qui perd son dîn. L'hijra elle-même, si la délaisse, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Lakin, si tu te mélanges au kuffar, la personne il peut le ressembler. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Comme l'an, vous connaissez antum, et nous on connaît des musulmans. Croit Allah, il croit le Rasoul, il faisait salat. À force de rester avec le kuffar, il est devenu comme eux. Comme. قال عيسى السلام الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها التلف وما تناكر منها اختلف. Prophète صلى الله عليه وسلم donne un exemple. Les âmes elles se rassemblent avec ce qu'elles aiment. Une personne qui déteste une personne, il ne peut pas rester avec lui. Abadan. C'est pour ça que tu trouves aqwiya al-iman. C'est impossible, tu lui dis dans sa tête qu'il vit avec les kuffars. C'est impossible. Wallahi, بعض العلماء ils vont faire da'wa faqat. Dans Bilal al-Kufr, il a un daiq. Il est obligé de patienter pour da'wah, c'est tout. Une semaine, deux semaines, il se sauve. Et vous connaissez tous l'histoire de Cheikh Mokbil, rahimahullah, dès qu'il est parti aux États-Unis. C'était une chose, il avait besoin de se soigner. C'est pour ça qu'il est parti, rahimahullah. Lakin, dès qu'il est arrivé, Bilal Kufr, il a l'iman qawi, c'est un alim, il a akhiré, il n'a pas pu. Dès qu'ils lui ont dit la deuxième fois, il faut repartir, il a dit là. La mort, c'est ahsan. Je meurs, c'est mieux. Elle m'a retourné là-bas. Là. C'est quoi qui fait ça? C'est l'iman, il ne peut pas. Comment on explique l'an? Il y a des personnes, c'est le contraire. C'est un musulman, lakin il est chez le kuffar, ça ne le dérange pas. Si tu lui parles de sortir, il a un daïq. Tu as un problème avec l'iman. Ah là, ça se travaille avec l'iman. Mais si chez le kuffar, tu te sens bien, il y a un problème. Il y a un problème. Qala hadha wa'idun shadid ma'a annahum muslimun. Lakin, lamma taraku l'hijra bi'udr mahabbati l'amwal wal awlad wal watan. la cause c'était هذا محبة الأموال والأولاد والوطن. Et ça c'est la cause aujourd'hui كذلك. Imma il a des enfants, هناك, il ne peut pas les délaisser. Imma il a une maison, imma il a de l'argent, il a une entreprise, il a, c'est son pays, il est habitué, l'ambiance, toutes ces choses. Ça c'est ça qui pousse la personne à ne pas faire le hijra. لأن الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرها لا شديد. La hijra صراحة c'est pas facile. خاصة la personne il a grandi dans le pays, il est né dans le pays. Ses amis sont là-bas, sa famille est là-bas, ses repères ils sont là-bas. لكن c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour ton dîn. C'est un sacrifice لله سبحانه وتعالى. قال وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة. فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. نعم. Vu qu'ils ont délaissé la hijra alors qu'ils devaient la faire, c'était obligatoire, ils avaient la capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset sur Haoula. Inna alladhina tawaffahum al-mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ard qalu ay al-mala'ika alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Na'am, ils te font du mal, mais toi pourquoi tu te déplaces pas? Qala fa Allah jalla wa ala tawa'adahum bi hadha al-wa'id wa sabab an-nuzul annahu lamma kanat ghazwat badr كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم وهم يقدرون على الهجرة بهذا القيد. أما بعض الناس ils ont pas pu, femme, enfant, malade, il a pas les moyens, il a آخره, هذا شيء آخر. شيء آخر يبقى سيتي لفان بيقص. قال فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم. انظر الكافر أن أمي دي كافر لا تسلم. انظر هؤلاء يسوغستا مكة دكي يوي غزوة بدر. غزوة بدر المشركون كونس البروفة عليه الصلاة والسلام المشرك يزون فرص المسلمون آلي أبكو مسلم يدوى لي كومباتر مسلم إلا فرص تي أوبليجي. La mushkila al-an qui va se poser, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il doit combattre le mushrik. Au milieu, il y a des muslimines. Comment ils font? C'est quoi le sabab? Il est resté au milieu d'eux. Israël al Medina, personne ne peut le forcer. À peine, il n'y a que des musulmans. Ça te montre, il y a un musulman qui a fait bilal al-kuffar. Ahyanan, t'as pas envie de faire une marsia, t'es forcé. Quand il dit, je suis forcé, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix, tu peux partir. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé Haoula avec ce châtiment. Voilà où s'ils ont été forcés, à la base, ils avaient le choix. À la base, ils avaient le choix d'aller rejoindre le prophète. Vu qu'ils sont restés, ils se sont retrouvés dans ce problème, al-an, ils ont une responsabilité. Qala wa alzamuhum bil khuruj ma'ahum. Ils les ont forcés. Qala thumma lamma darat al-ma'raka qutila unas minhum wa hum fi saff al-kuffar. Voilà où ils ne combattent pas, ils sont dans le rang. Et ça te montre qu'est-ce que le kuffar. Kuffar, eux, c'était quoi leur but? Peut-être que le rassemblement des sahaba, ils vont pas les combattre. Il y a des musulmans. قال ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم. نعم المسلم الرسول الصحابة يزت بوكو. قال فلما علم المسلمون بهم ندموا. نعم إذا غدرتي صحيح سبا فاسل. قال وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفهم الملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم. Le verset est descendu sur هؤلاء. قال يعني ما الوطن الذي أنتم فيه؟ أي وطن؟ الشيخ الفوزان الآن يكسبك الآية. ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما يقينكم؟ ما سألوهم عن هذا وإنما سألوهم عن المكان. هذا مهم أن la question الآن قالوا فيما كنتم. Ils vont lui poser la question sur le مكان, l'endroit. Ça te montre l'erreur de celui qui dit أنا je vis dans un pays de kafir mais moi ça me fait rien, je suis un musulman. L'endroit, t'as pas le droit d'être là-bas. Le fait d'être في بلاد الكفر alors que tu ne peux pas appliquer ton dîn et tu as la capacité de sortir, le fait de rester, c'est haram. Ils leur ont demandé l'endroit. Ils étaient avec le mushrikoun, Ghazwat Badr. Le malaïka leur demande Fima kuntum. Ils ont répondu Kunna mustad'afina fil ard. On n'a pas eu le choix. Ils nous ont forcés. On était faibles. Qal Ajbarouna ala al-khuruj bi sabab da'fina wa la naqdir an namtani'. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Avant d'être forcé, vous avez été ordonné de faire l'hijra et vous aviez la capacité de faire l'hijra. أنت أيها المسلم كذلك aujourd'hui, tu peux partir. Les savants ils conseillent de partir. ثم tu restes, t'arrives un problème, t'es responsable. لأن tu savais et tu pouvais partir, si t'arrives quelque chose, t'es responsable. في la fitna du hijab qu'il y a eu, بعض الناس ils disaient Batalan, si la femme enlève le hijab, c'est une daroura. Quelle daroura? Daroura, c'est dès que tu n'as pas le choix. C'est ça une daroura. Bardana, s'ils ne connaissent pas le sens de certaines choses, l'akin, il veut s'accrocher. Et le meskin, il ne sait pas qu'il s'accroche à une chose aussi fragile qu'une toile d'araignée. Enfin, il n'y a pas de daroura. Tu as une responsabilité. Il faut partir avant. Il faut partir avant ou quand tu peux. Amma, la personne, il fait des ma'ansi, après, il dit là, daroura. Ta'ammal l'histoire de Ha'oula. Qalu kunna mustadafina fil ard. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت تبغى في شغلك هذا؟ ستمبش في قطن الدين؟ ستشوفه بارتير بار؟ قال يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لكم مندوحة عن هذا؟ أي إذا ما أنتم؟ قال لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم. لسلمتم من هذه الواقعة. شيخ فوزان يدي هكذا يدي سي زوغي في الهجرة avec leurs frères المدينة أبدا يزوغي ce problème. قال فأولئك مأواهم جهنم. هذا وعيد وساءت مصيرة إلا المستضعفين. هذا استثناء. Il y a une catégorie de personnes qui ne rentrent pas dans la menace de châtiment. المستضعفون, celui qui ne pouvait pas. Il voulait faire l'hijra. Imma, il est malade, il peut avoir des situations, il est emprisonné. Ou une femme mesquina, elle est toute seule. Personne pour l'aider, il a arrêté. Ha'oula, mustad'afoun, ils ont un da'af. Ha'oula, il ne rentre pas fil wa'id. Celui qui rentre fil wa'id, qui peut recevoir ce châtiment, c'est celui qui peut. Il a la qudra. Enfin, il faut bien différencier les choses. Ce n'est pas tout le monde qui a le même, qui a le même hukm. Qala inna al-mustad'afoun. Aïe min al-rijali wal-nisa wal-wildan. Sata'ti al-aya. Qala al-ladina la yakdiruna ala al-hijra. وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ما يقدرون على الهجرة. هؤلاء سوى إكسكوزي. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أنت تكخي الله سلون تكاباسيتي. قال إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. ولا إكسكوزي سوى. On l'avait expliqué avec la parole de Cheikh Saadi, fil usul thalat. Hadi, c'est une bouchra. Awalan, ceux qui ne peuvent pas, ils sont excusés. Que ce soit homme, femme, enfant, s'il a une excuse valable. Il y a des excuses, elles ne sont pas valables. Thaniyan, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe. Anna celui qui fait l'hijra, qala wa man yuhadir fi sabilillah. Yajid fil ard muragaman kathira wa sa'a. Celui qui fait l'hijra, il trouvera des facilités fil dunya et fil akhira. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui informe. Enfin, ça te montre anna al-hijra bi'idnillah, ça va te faciliter ta vie fil dunya et fil akhira. Bardana si faiblisse, il croit qu'il va se déplacer, il va mourir de faim. Il croit qu'il va aller dans un pays musulman, khalas. Les pays musulmans, ils ont une image un peu de pauvreté, un peu de kada. Il croit qu'il va aller, khalas, et il va pas manger. Ista'im billah. Et taqillah, tous les jours tu récites Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi qu'on demande de l'aide. L'imada, tu ne demandes pas de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Les aides de kuffar, hadi, sans que tu le saches, ils te combattent. Ils combattent ton dîme. Ils te donnent l'aide et ils te prennent beaucoup. Qala, wa man yuhadir fi sabilillah yajid fil ard muragaman kathira wa sa'a, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut. فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. celui qui fait l'hijra et il meurt, فقد وقع أجره على الله, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va récompenser, il aura une récompense azime s'il a fait l'hijra لله, لأن الله subhanahu wa ta'ala قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله, avec ce شرط. والله s'il tombe malade, le pire des cas on va dire quoi, c'est il meurt. هذا بإذن الله, s'il était sincère il fait partie من أهل الجنة. S'il meurt sincère à la tawhid et muhajir fi sabilillah. Qala wa kana Allahu ghafuran rahima. Et bi'idhnillah, demain, on essaye de finir. Hayakumullah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.